Avant-toi, partie 6. Et moi, je devais mollo. On parie de liquider pour de grosses sommes. Billets qui ne perdent pas le fruit de la passion. Négro vont la m'attaquer, Wallet, sous mauvaise idée. On m'a dit que j'étais le prince, maintenant je suis plus marié. On t'a fumé ma moula, arrêtez pas la bouteille dans les poussons. Moi je suis seul dans mon couloir. Check calcem, c'est ce check calcem. Comparez pas les matisels, les mots capricem. C'est plus du passe pour retrouver le silence. Les gens vous m'appellent, j'ai répondu présent. Quand j'ai perdu personne, j'ai les couilles en ciment. Libérez nos poteaux, ça fait déjà longtemps. Ouais, ça fait déjà longtemps. Que t'aimes ou t'aimes pas, je vais rester le même. J'y vais mollo, car les jaloux s'inquiètent. Fils, fais les choses bien. Avant de la partie 6, fais l'effet d'un extinct. Avant de la partie 6. J'y vais mollo. Et moi j'y vais mollo. Frappez mes mollo, j'y vais mollo. La concu est dans le rétro. Les potes m'ont dit qu'à vous passer mes mollo. Et moi j'y vais mollo. Frappez mes mollo, j'y vais mollo. La concu est dans le rétro. Un petit geste technique, je m'en mêle pas les pinceaux, je suis pas assez artistique. Après notre appartici sur l'instru acoustique, je représente Panam 19 petit tiens tranquille, colonel la bargue et varache. Dis la première place dans la cheval, c'est ce que je percé. Trop éclair pas comme une perceuse ambiancée. Pas une vie de merde dans une cité décidée. Corriger mes fautes comme un dicté, la son du RAP. Je me suis injecté, turbo injection, random pression. Roche carapace de jeune masse de coups de pression. 750 paquets, cristal de paquet. Je répète d'être piqué, même promis ma braqué. Des juges j'ai claqué. Let's get down.